Les usines de l'industrie légère de la ville de Pyongyang redynamisent l'exploitation des nouveaux produits. La filature Kim Jong-suk de Pyongyang a achevé ces derniers jours les dessins d'une centaine de nouvelles formes et produit les literies variées de bonne qualité avec les matières premières du pays. L'usine de fabrication des souliers de Pyongyang a mis au point cette année une soixantaine de sortes de souliers pour hommes et femmes, et les usines du secteur de l'industrie de transformation alimentaire et des articles d'usage courant, comme l'usine de transformation des céréales de Pyongyang et le combinat de denrées alimentaires Kumkop pour sportifs, ont augmenté le nombre d'espèces des produits populaires. Sur la base des matières premières et techniques nationales, la fabrique des tricots de Sungyong, l'usine de chaussettes de Pyongyang et l'usine des produits cosmétiques de Pyongyang font promouvoir dynamiquement les recherches et le développement des produits tricotés et cosmétiques fonctionnels.